appareils de conditionnement, mais bon, ils sont pas en route maintenant. Et ici, tu as tout le trafic pour les lieux de pêche, et là aussi. C'est tout sur ordinateur maintenant. Et donc, tu as. Bon, là, c'est le radar, là, c'est le sondeur. Là, c'est où on voit tous les échos, tu sais, s'il y a des bateaux en face. Là, c'est le radar, le sondeur, pour voir le fond de la mer. Et ça, c'est tous les ordinateurs. Bon, maintenant, il y a tout fax à bord aussi. D'accord. Il y a téléphone par satellite. Et il y a télémagnétoscope. Et ça, c'est pour tous les drones. Ça, c'est pour tous les trois chaluts, tout ça, pour virer sur l'hydraulique. Bon, ça, c'est les VHF, ça, c'est pour parler entre bateaux. Bon, maintenant, on va descendre. C'est pas là.